Cours numéro 5. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في Dorosina, walillahi alhamd, walminna. On reprend à partir d'aujourd'hui les cours. Wa nas'alullah azza wa jal at-tawfiq wa thabat. Et aujourd'hui, yom as-sabt, le samedi, on étudie ensemble al-usul min ilm al-usul de l'imam Muhammad bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Wa taqaddam ma'ana les premiers abwab fi al-ahkam, l'ahkam al-taklifiya wa al-wad'iyya. Wa hada wa lillahi alhamd. On avait essayé de simplifier, clarifier, et c'était compris. Wa liyawm, on commence la lecture d'un nouveau chapitre, al-ilm, et kadhalik, si on peut, al-kalam. هذه الأبواب qu'on va lire ensemble aujourd'hui inshallah ta'ala. Enfin, c'est pas lié directement au soul, on va lire assez rapidement. Il y en a, c'est pas des règles que tu vas utiliser pour pouvoir déduire un hukm. Lakin Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayh, il a cité هذه الأبواب لماذا لأن علماء الأصول السيت مثل هذه الأبواب وإلا on verra ensemble من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله lui-même أن كثير من هذه التقسيمات العلم الضروري والعلم النظري والكلام لبعض علماء الأصول إلى ديفيزون دو الحقيقة والمجاز tout ça c'est من التقسيمات المعتزلة et هؤلاء الضلال يستسيرف دو مثل هذه التقسيمات pour rejeter le haq et pour interpréter les preuves par rapport à leur passion. لكن connaître هذه التقسيمات et comprendre هذا الكلام c'est مهم. لماذا؟ اولا pour pouvoir comprendre l'égarement de هؤلاء qu'on a cité المعتزلة ومن سلك مسلكهم. Et ثانيا لان dans les livres de اصول tu trouveras هذه التقسيمات. À comprendre Zalal al-Munharifin, c'est muhim. C'est pour ça que Obad al-Ulama, il cite Mithla Hada pour mettre en garde ou pour te montrer que Hada al-Taqsim, il n'est pas tayyib. Enfin, connaître Hada, c'est important. Surtout, ma yata'alaq bil-haqiqa ou al-majaz. Amma bab al-ilm, Hada, il est très très simple. Qala rahimahullah al-ilm. Qad yaqul qa'il. Le rapport entre هذا الباب باب العلم et هذا الكتاب كتاب في أصول الفقه تقدم معنا أن الفقه c'est معرفة الأحكام التفصيلية معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية فهذه المعرفة c'est lié au علم. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen, après avoir cité Al-Ta'rif, après avoir détaillé Al-Ahkam, Al-Wad'iyya ou Al-Taklifiyya, il a cité Hadal-Bab. Pour nous montrer, nous expliquer c'est quoi l'ilm. Vu que Al-Fiqh, c'est Ma'rifatul Ahkam, il faut connaître les Ahkam. Enfin, c'est quoi Hadal-Ilm? Il va citer un Ta'rif et un Kalam Sahel qu'on lira ensemble, Inch'Allah, assez rapidement. Qala Ta'rifu. Al-Ilmu. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة. C'est ça العلم. الحقيقة ولله الحمد. Tout le monde sait c'est quoi العلم. Et tout le monde aime أن ينسب إليه هذا العلم. لماذا؟ لأن هذا العلم c'est quelque chose de طيب. C'est pour ça que tout le monde, même l'ignorant, il l'aime. Que tu lui dises qu'il a du ilm. Enfin, tout le monde sait c'est quoi l'ilm. L'ilm, c'est comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, idrak al-shay'a ala ma huwa alayh. connaître une chose ala ala ma hiya alayh. Fa mathalan, si on dit ce mur il est blanc, ça c'est du ilm. Limadha lianna le mur il est vraiment blanc. Si واحد nous dit je ne sais pas il est de quelle couleur, il a pas de ilm. Lianna il a pas décrit la couleur du mur. Si واحد nous dit l'ilm ou si واحد nous dit le mur il est noir, فهذا كما سياتي معنا c'est du jahl murakkab, et il se permet de parler, il croit savoir alors qu'il cite et décrit la couleur, une couleur que le mur il n'a pas. فإدراك الشيء على ما هو عليه. Ce mur il est blanc, tu dis il est blanc, c'est du ilm. Les piliers de l'islam, ils sont de 5, au nombre de 5. Enfin, celui qui dit arkanul islam, khamsa, ces 5 piliers, il a du ilm. Limadha li'anna, il a cité les piliers que Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité fil Qur'an et son prophète alayhi salatu wassalam fi as-sunnah. Fahadha huwa al-ilm. Idraku shay ala ma huwa alayh. Ama wahed qui prétend connaître une chose ou qui décrit une chose ou qui parle dans une chose alors que cette chose elle n'est pas comme ça, fahadha il n'a pas d'ilm. Qala shaykh al-Uthaymeen ka idrak anna al-kul akbar min al-juz. Anna al-kul akbar min al-juz. Tout le monde sait cela et c'est du ilm. Et quelque chose de... Si tu prends un corps, on a déjà cité cet exemple. Enfin, le corps, il est plus grand que Al-Juz. Enfin, le corps de l'être humain, mazalan, la chèque, il est plus grand qu'une partie de ce corps. La tête, ou la main, ou le pied. Ahada. Qalu anna niyata shartun fil ibada. An-niyya, c'est une condition fil ibada. Ahada, c'est du ilm. Lian la nabiya, sallallahu alayhi wa sallam, qal innama l'a'malu bin niyat. Ça montre un min amal il a un shart, c'est un niyya. L'intention, ça c'est du ilm. Limadha lianna, on a une preuve min sunnat an-nabi alayhi salatu wassalam. Qala fa kharaja bi qawlina idraku ash-shay adamu al-idrak bil kulliyah wa yusamma al-jahl al-basit. Tu as al-ilm et le contraire du ilm c'est le jahl, c'est l'ignorance. Al-ilm c'est la science, savoir. Le fait de ne pas savoir, c'est du jahl, c'est de l'ignorance. Cette ignorance, elle se divise en deux. Jahlun basitun wa jahlun murakkab. Al-jahlul basit, qal, adamul idrak bil kulliya wa yusamma al-jahlul basit. Qal, mitl an yus'al mata kanat ghazwatu badrin wa yaqul la adri. Si on demande à une personne la date de Ghazwat Badr, la bataille de Badr. Enfin, celui qui répond avec une réponse juste, on dira il a du ilm fi hada. Celui qui ne sait pas, il dit la adri, il se prononce pas. Pourquoi? Parce qu'il ignore. Fa hada, il n'a pas d'ilm. Ça s'appelle al-jahl al-basit. Al-jahl al-basit, quelque chose de basit, c'est quelque chose de minime, de petit. Limadha li'annahu, il sait pas, et ça arrive. Amma, celui qui se prononce alors qu'il ne sait pas et il dit une réponse fausse, on verra que c'est al-jahl al-murakkab. Ça nous montre al-jahl, il y a des niveaux. Et tastafid min hada une fa'ida azima akhi al-karim, anna celui qui ne sait pas, il dit la adri. Il dit Allahu a'lam. Limadha li anna hada al-jahl al-basit, il est pas madhmoum ala al-itlaq. Celui qui a la capacité d'apprendre et qu'il ne fait pas d'effort. Et à chaque fois, il dit la adri. Alors que c'est des choses qu'il a besoin, fi din et haou dunya. Des choses qu'il a besoin, des choses de muhimma, de primordial pour lui. Et il ne fait pas d'effort. Fahala, c'est madmoum fi haqqi. Lakin, il y a des choses, on ne sait pas, on dit Allahu alam. Et alhamdulillah, l'insan, il fait des efforts, il apprend, ou il demande. Et c'est طيب. Amma al-jahl al-murakkab, c'est plus grave que le jahl al-basit, c'est celui qui se prononce alors qu'il ne sait pas. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. L'insan, s'il ne sait pas, il dit Allahu a'lam. Même si c'est une chose que beaucoup de gens ils savent, même si c'est une chose que normalement les débutants ils doivent connaître. Si on ne sait pas, on ne sait pas, on dit Allahu a'lam. Comment on se remet en question et on fait des efforts pour connaître ces choses. هذا سنمطر أن الجهل يا plusieurs niveaux. فالإنسان يحذر. Et en général, ceux qui répondent dans un domaine qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ignorent, alors qu'ils ne savent pas, في الحقيقة c'est un problème في النية. كأنه il veut pas admettre qu'il ne sait pas ou il veut montrer qu'il sait. ثم il se trompe. Et يقع في الجهل المركب. فهذا on n'a pas besoin de هذا نحن. Celui qui ne sait pas, il dit الله أعلم. قال وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب. Ça, ça nous montre qu'on a, si on prend le, on garde toujours l'exemple, cette question, l'insan, il n'est pas obligé de répondre. Et une réponse, ce n'est pas forcément du ilm. L'ilm, c'est de répondre, comme a dit le Cheikh Ibn Uthaymeen, il dira coucher à la main ou à l'aïe. De donner la réponse exacte. Amma de donner des réponses, hakada, pour satisfaire celui qui pose la question, ou pour lui montrer qu'on sait, ou parce qu'on n'admet pas, ce n'est pas du ilm. Ce n'est pas du ilm. C'est du jahl murakkab et kadhalik, ça montre une mauvaise intention. Mais celui qui ne sait pas et il a une bonne intention, il dit Allah a'lam ma adri. قال وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراك إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب. مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة. هذا جهل مركب. لماذا؟ لأن غزوة بدر elle a pas eu lieu la troisième année de l'hijra. Elle a eu lieu la deuxième, السنة الثانية في رمضان. Et كثير من المؤرخين ils ont rapporté إجماع على هذا. أما le jour, il y a un khilaf, c'est quel jour في رمضان. بعضهم ils disent tel jour. وإلا ils sont d'accord أن غزوة بدر c'était la deuxième année après l'hijra. Pendant le mois de رمضان. فالسلوي qui répond la troisième année, فهذا il a du jahl murakkab. لماذا؟ لأنه il s'est avancé, il a répondu alors qu'il ignore la haqiqa. On ne parle pas de celui qui wahima ou sabq lisan, il savait, ça arrive à Dalla. On parle vraiment, il ne savait pas et il dit la troisième année de l'hijra. Fahada, c'est du jahl murakkab. Wa kharaja biqoulina idrakan jaziman idraku shay idrakan ghayr jazim. Idrak jaziman, c'est être sûr. فقوله خرج بقولنا إدراكا جازما. Tu vas comprendre d'autres choses. إدراك الشيء إدراكا غير جازم بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما. Mais celui qui a une réponse, لكن il est pas sûr, هذا c'est pas du علم. Il a des doutes. قال ثم إذا إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم وإن تساوى الأمران فهو الشك. Ces mots te seront utiles في الأصول. كذلك في الفقه. أي الراجح والمرجوح. Et الظن والوهم. Et الشك. Si tu n'arrives pas à ressortir une des deux réponses, et tu as des doutes 50-50-50, فهذا بإذن الله عز وجل ça te sera utile. قال وبهذا تبين أن تعلق الإدراك في الأشياء كالآتي. إذا على رزومي هنا. قال العلم أو علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. Tu n'as aucun doute. مثلا on te demande le nombre des piliers de l'islam. كم أركان الإسلام. Tu dis أركان الإسلام خمسة. Tu n'as aucun doute. C'est du علم جازم. إدراكا جازما. هذا انتهينا منه. دوزيام الجهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية. C'est le contraire du علم, l'ignorance. On te demande maintenant en quelle année a eu lieu غزوة بدر. Tu ne sais pas. Tu dis الله أعلم ما أدري. Ça c'est du جهل بسيط. Troisième, جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. هذا c'est le fait d'ignorer. Et كذلك c'est plus grave que le jahl al-basit لأن الإنسان il se prononce et il se trompe. Quelle année a eu lieu غزوة بدر? Il dit la troisième année ou la quatrième année de l'hijra. هذا c'est du jahl murakkab. لأنه il sait pas et en plus il croit savoir. فلهذا il a répondu. فمع جهله il a rajouté une chose. أنه il sait pas s'arrêter. العلماء ils appellent هذا جهل مركب. Et là شك أن هذا il est plus grave que le jahl al-basit. قال رابعا suivez الآن c'est les étapes du علم le contraire c'est le جهل الآن il va citer الظن أي c'est du علم لكن pas à 100% ou il pense connaître لكن il n'est pas sûr à 100% ça s'appelle الظن قال وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. تأمل قوله أو قوله مع احتمال أي إدراك الشيء il pense savoir لكن il est pas sûr à 100%. فمثلا si tu lui poses une question et il pense savoir, مثلا pour citer des chiffres pour vous simplifier, 80% que la réponse c'est telle chose, ce 80% ça s'appelle al-dhann. 80% il reste 20%, le 20% c'est le wahm. فقال الظن هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح ثم قال ووهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. الراجح c'est الظن, المرجوح c'est le وهم. Donc celui qui n'est pas à 100%, son قول qui est fondé sur الظن, il y aura un مقابل, ça sera المرجوح أي الوهم. قال الشك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو أي il arrive pas à rajah. Tu lui poses une question, il te dit là j'ai des doutes, je suis pas sûr. Est-ce que مثلا c'est oui ou non, il est à 50-50. Il sait pas. فهذا c'est du شك. Si le شك il bascule d'un côté ou d'un autre, les au-dessus de 50%, 60, 70, 80, ça sera al-dhan. Et le reste, ça sera al-wahm. Quand c'est 50-50, c'est al-shak. Hada, tu auras besoin de mitla hadhihi al-istilahat quand tu liras kutub al-usul dans ce chapitre. Wa illa, celui qui sait, il sait. Celui qui ne sait pas, il ne sait pas. Et celui qui a des doutes, il n'a pas le droit de s'avancer en général, s'il ne sait pas. سيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالعمل بالظن غلبة الظن أحيانا سأغيب تبصر على 100% لكن هذا سأغيب لكن pour l'instant par rapport au علم فالسلوي كي سي فالحمد لله celui qui ne sait pas il fait des efforts pour savoir, si il sait pas il demande. Ne pas comprendre من هذا الكلام on a le droit de s'avancer même si on n'est pas sûr. Là Cheikh Ibn Uthaymeen, on a été expliqué l'ilm, et pour expliquer l'ilm, il est obligé d'expliquer ce qu'il contredit, min al-jahl. Ça donne des autres sourds, les anahiyanan, t'es pas sûr à 100%, ça donne des autres mots, que shak wal wahm wa dhan. Wa illa va, hada al-kalam kama taqaddam. Qala aqsamu l'ilm. Il y a un qasib l'ilm ila qismain, dharuri wa nadhari. Wa, mitla hadi taqsimat, fa l'haqiqa, ils sont pas... ils ne sont pas très utiles. Lakin, بعض علماء الأصول, ils les citent. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, il les a cités. C'est un livre de أصول, أصول الفقه. وإلا فهذا الكلام, il est سهل. قال فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال. العلم الضروري, أي tout le monde a ce علم. Tu n'as pas besoin de faire un effort. Tu n'as pas besoin de chercher une preuve, un argument. علم ضروري. قال كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء وأن النار حارة وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. العلم بأن الكل أكبر من الجزء. فالعقلاء ما من عاقل يسي هذا. أن الكل. On donne toujours l'exemple avec le corps. Le corps, il est plus grand qu'une partie du corps. هذا c'est واضح. وأن النار حارة. أي الفو سابرول هذا علم ضروري كل من سي هذا كل من سي. قال وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والنظري ça vient du mot نظر أي tu as besoin d'une recherche contrairement au premier قسم ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الصلاة. نعم il faut un دليل. Il faut un dalil pour savoir que cette chose, il faut la faire ou il ne faut pas la faire. C'est ça, al-ilm al-nazari. Il faut, shay min al-nazar, des recherches, istidlal, des arguments. Et là, c'était l'exemple de wujub al-niyya. Wahad, il peut demander min ayn. Pourquoi vous dites que chaque amal, il faut une intention? Ouais, il connaît pas les preuves. Il peut nous demander, mais qui c'est qui a dit cela? On lui montre, anna al-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, قال أن الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات. Ça c'est un dalil qui montre أن ما من عمل إفو النية. فالصلاة c'est un عمل, c'est une عبادة عظيمة, لابد من نية. أي l'intention. Pour qui on fait cette صلاة, c'est لله. قل إن صلاتي ونسكي إلى آخر لله رب العالمين لا شريك له. Donc ça, ça montre أن هذه الصلاة لابد من نية. وهكذا الوضوء, وهكذا الحج, وهكذا الصيام, جميع العبادات. فعلى كل حال, ce chapitre, il est très très simple. Et on répète à هذا الكلام, tu en auras besoin quand tu liras des livres fil usul, wa illa fa tu auras pas beaucoup besoin de hadhihi at-taqsim, khasatan les deux dernières catégories, ad-daruri wa an-nadari, fa hadha al-amr sahl. Qala al-kalam, deuxième chapitre, al-kalam, wa hadha on va lire assez rapidement. Limada? Lina awwalan, on n'en a pas besoin, on n'en aura pas besoin, walillahi alhamd, pour comprendre le fiqh, pour déduire des ahkam qu'on aura besoin pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi, il a cité hadha al-kalam awwalan limada, li'annahu هذه التقسيمات في الكلام الحقيقة والمجاز إلى آخره. علماء الأصول كثيرا يسيت سي تقسيمات. فشيخ ابن عثيمين vu que c'est un livre في أصول الفقه, il a cité comme ils ont fait هؤلاء. ثانيا شيخ ابن عثيمين et on lira إن شاء الله كلامه من الشرح أنه il est revenu عن هذا التقسيم. أي une époque كان يقول أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز, ثم ولله الحمد il est revenu عن هذا الكلام. Il a choisi l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, de son élève Ibn al-Qayyim et d'autres savants. لكن avant de lire al-kalam, ou plutôt Cheikh ibn al-Taymiyyah, avant d'avoir cité al-haqiqa wal-majaz, il a cité des fawa'id fi al-kalam, aïe dans la langue arabe. Et ça c'est muhim, limadha, li'anna ilm al-usul, il est lié avec la langue arabe. Pour comprendre l'adilna, il faut un minimum en langue arabe. لماذا لأن القرآن il est en langue arabe. Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est en langue arabe. Donc, l'achakana, vous verrez qu'il y a des règles, elles sont liées directement à la langue arabe. Kal-umum, wal-khusus, wal-mutlaq, wal-muqayyad. Ça, c'est lié directement à la langue arabe. Et tu auras des mots, des lettres, des huruf, des asma qui vont montrer al-umum et la généralité. Et ça c'est muhim pour le fiqh. Enfin, maintenant si tu as un dalil qui montre la généralité, ça te stavide des fawaïd azima fil fiqh. Maintenant souvent al-ulama, certaines personnes ils leur posent des questions, est-ce que la femme elle est concernée par hada? Ça arrive souvent. Al-alim iti naam limadha li'anna al-lov qu'on a dans la langue arabe, dans le Coran, dans le Sunna, aqimus salat, az zaka, ila akhir, tous ces alfaz, walillahi ala nas, hijjul bayt, tous ces alfaz qui montrent l'umum, ça englobe les hommes et les femmes. Celui qui prétend que la femme n'est pas concernée par hadha al-hukm, il faut qu'il cite un dalil. Donc, hadha fil haqiqa, c'est pour vous montrer le lien entre la langue arabe et ilm al-usul. C'est pour ça que celui qui veut comprendre vraiment ilm al-usul, il faut qu'il ait des bases dans la langue arabe, dans le nahou. Falabud. Wa illa, celui qui n'a aucune base dans la langue arabe et veut apprendre usul al-fiqh, ça y est, il comprendra certaines choses et d'autres choses, il n'arrivera pas à comprendre. Et vous allez voir, le chapitre qu'on va lire aujourd'hui, c'est directement lié au premier chapitre de l'Ajrumiyya qu'on avait étudié ensemble. Walillahi alhamd al-kalam. اللفظ المركب المفيد بالوضع الى اخره, c'est exactement ce qu'il va citer. Et hada, ça nous montre ان pour progresser في العلم الشرعي, il faut avoir des bases dans la langue arabe. Il faut avoir des bases dans chaque matière. مثلا avoir des bases في الاصول avec cette risala par exemple, الاصول يعني الاصول, avoir des bases في الحديث مثلا, avoir étudié le Bayquni, avoir des bases dans fiqh bien sûr, des bases dans tawhid, dans l'aqida, hatta l'insan yefhem. Mais parfois, nous faisons une erreur, on se concentre dans une matière et on délaisse les autres. Donc quand on sort de cette matière, on n'arrive plus à comprendre. فَلِهَذَا يَتُجِي الْعِلْمِ عِنْدَ أَهْلِهِ C'est مohim. Les mavaliyana, ils vont te donner ce que tu as besoin dans chaque matière. Et quand tu auras ces bases, dans la langue arabe, dans l'usul, dans le mustalah, dans le qawa'id, dans l'aqidah, dans le tawhid, ثم après tu pourras avancer. Les mavaliyana, tu auras des bases dans beaucoup de choses. Amma wahed, il veut comprendre l'aqidah, il ne connaît pas l'arabe. Il veut comprendre l'usul, il ne connaît pas l'arabe. Il veut comprendre le hadith, il ne connaît pas l'arabe. هذا سيتعب. Ou il connaît l'arabe et il rentre dans le fiqh, mais il n'a aucune notion dans le hadith et dans l'usul. Il arrivera à une étape, il sera obligé de suivre aveuglément. Il n'aura pas les outils pour pouvoir savoir est-ce que c'est ce shir qui a raison ou l'autre, ou un autre. Il y a à faire des efforts. C'est muhim, mais ces efforts, comme on répète souvent, il faut que ça soit sur une manhajia wadiha. Ils font des efforts, mais ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas la bonne méthodologie. Et ils se fatiguent. Et en général, cette fatigue, elle pousse à arrêter. Ou à faiblir, ou à délaisser. Ou à détester. Détester maintenant l'ilm al-nahw, détester l'ilm al-sarf. L'ilm al-nahw, il n'arrive pas à comprendre à cause de la manière, de la méthode. قال رحمه الله الكلام تعريفه. Donc on répète الكلام. Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité هذا الباب. لماذا لأن أصول الفقه. Tu vas étudier, comme تقدم معنا dans les premiers dros, الأدلة. Tu vas pas étudier le fiqh. Tu vas étudier الأدلة من حيث الإجمال. Est-ce que c'est global, général? Est-ce que c'est spécifique? Est-ce que c'est un ordre? Est-ce que c'est pas un ordre? Il a arrêté. Et là, ce que c'est adilla que tu vas étudier, c'est en langue arabe. Le ulama, quand il cite un hukm, il se base sur la langue arabe, et le Coran ou le Sunna. فلهذا il a cité هذا الباب. قال الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى. اللفظ, ça fait sortir. غير اللفظ, أي اللفظ أي الأصوات. والحروف, un lafd se fait de son avec des lettres, c'est ça un lafd. Un lafd, c'est des sons avec des lettres. Maintenant, quand je parle un, c'est un lafd. Vous entendez un son, et ce son c'est fait de lettres, et il y a un sens, vous comprenez des choses. Donc un lafd, ça fait sortir l'ishara, واحد qui fait des signes, c'est pas du kalam. لابد من صوت qui parle avec un son et des lettres. Et كذلك الموضوع لمعنى. لماذا لأحنا أحيانا il y a un son, il y a des lettres mais il n'y a pas de معنى. واحد مثلا qui invente un mot, tu vas entendre des lettres et un son, mais ce n'est pas un kalam, il n'y a aucun sens. كذلك ça fait sortir le son des animaux مثلا. Tu entends un son, mais ce n'est pas un kalam. فالكلام c'est اللفظ الموضوع لمعنى. قال واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم مثل مثال الأول محمد رسول الله ومثال الثاني استقام محمد. Donc في الاصطلاح il faut qu'il y ait au minimum deux لفظ لفظان في الاصطلاح on parle. مثلا si واحد يدي محمد et il s'arrête, اصطلاح الأصوليين اصطلاح النحويين c'est pas du kalam. فلابد d'un deuxième lafd, d'un deuxième mot pour que tu arrives à saisir un sens. اما si on dit Muhammad et on s'arrête, là chaque que c'est des lettres, c'est un son, tu as compris ce mot Muhammad, لكن Muhammad ماذا? Muhammad il s'est levé, Muhammad il s'est assis, Muhammad il est parti, Muhammad il est grand, Muhammad il est petit. S'il y a que ce mot, c'est pas du kalam. فلهذا قال اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا. الآن c'est un lafd mufid. تستفيد ماذا؟ الله ربنا, que Allah c'est notre رب, et que محمد عليه الصلاة والسلام c'est notre نبي. قال وواحد الكلام كلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد وهي إما اسم أو فعل أو حرف. هذا الكلام المفرد c'est كلمة. On ne détaillera pas هنا. قد تأتي لفظة كلمة pour autre que un ism seul, comme a dakara Cheikh Ibn Uthaymeen dans le shah, wa ja'alaha kalimatan baqiya. La chaque kalima, هنا c'est pas qu'un mot là, lakin هذا on détaillera pas. C'est في الشرح celui qui veut détailler هذا. قال فالاسم donc الكلام c'est de trois catégories. اسم وفعل وحرف. C'est exactement, vous vous rappelez les doros qu'on a fait fil الأجرومية. قال فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. الاسم c'est un mot. Tu vas comprendre un sens. Matalan Muhammad, c'est un mot. Tu comprends quoi? Tu comprends qu'un homme, il s'appelle Muhammad. Lakin, c'est pas lié à un temps. Quand tu dis Muhammad, t'as aucune notion du temps. Ni le passé, ni le présent, ni le futur. Pour avoir la notion du temps, il faut autre chose. Imma un autre mot, imma un fi'l. Imma le ism tout seul, le nom tout seul en langue arabe, c'est pas lié au temps. Qala الاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بالزمن وهو ثلاثة أنواع. Trois catégories de اسم. الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. Vous vous rappelez de هذا؟ الاسم الموصول. On l'avait étudié ensemble في الممتع شرح الأجرومية. الأسماء الموصولة تفيد العموم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. Qui c'est qui nous montre l'ism al-mawsoul et qui c'est qui nous montre l'umoum? Tfaddalou. Vous connaissez tous cette sourate, ce verset. Man indahu jawab. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. Tu as un ism al-mawsoul, man. Zid, أين l'umoum? نعم فمن يعمل أي celui qui fait من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. Celui qui fait un tout petit peu de bien يوم القيامة il le verra. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد. Donc قوله وهو ثلاثة أنواع. الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. هذا c'est مهم. Tu en auras besoin في الأصول. Et on verra un chapitre ensemble, Inch'Allah Ta'ala, sur l'Azimin Lastibia d'Al-Kitab, Al-Umoum. Et il va détailler Al-Fad Al-Umoum et il va citer Al-Asma Al-Mawsoul. Et il va citer beaucoup de choses qu'on verra ensemble. Al-Akulihal, c'est Fakat pour te montrer un Al-Ism. Il y a plusieurs catégories et pour te montrer le lien, la langue arabe avec Al-Usoul. Al-Asma Al-Mawsoul, c'est un texte que tu vois où, que tu étudies où. في الأجرومية ضنحو يعني شابتر ثم في الأصول tu vas te servir de هذا pour savoir que dans un verset ou dans un hadith si tu as un umum ça englobe tout le monde sauf si un dalil qui montre que فلان il n'est pas concerné. قال الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. Tu as deux choses, tu as l'umoum et tu as l'itlaq. Oh, il appelle kadhalik al-mutlaq. Et tu as des choses qui, leur contraire, al-khas wal-muqayyid. Tout ça, c'est des chapitres, incha'Allah ta'ala, qu'on verra ensemble. Huna qal ma yuvid al-itlaq, kan nakira fi siyaq al-ithbat. Awalan, la différence entre al-umoum ou al-mutlaq, on peut la citer brièvement huna. أن العموم يشمل جميع الأفراد. العموم سا انغلوب جميع الأفراد. إن الإنسان لفي خسر. الإنسان سا لفظ عام سا انغلوب جميع الإنسان جميع الناس. ثم يون بخيسيزيون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره. فهذا سا العموم. المطلق يشمل جميع الأفراد لكن المطلوب سا واحد. تأمل. Tout ça, là, تتعبوا أنفسكم في الكتابة. Tout ça, ça viendra. Il y a un chapitre que sur cela. فقط pour vous donner l'un, un aperçu pour différencier. لماذا؟ لأن الشيخ ابن عثيمين, il les a cités les deux. وإلا tout ça, الشيخ ابن عثيمين, il l'a cité. On le relira ensemble dans un chapitre. الإطلاق فيشمل جميع الأفراد لكن المراد به c'est واحد. مثلا on dit, العلماء cite souvent cet exemple, أكرم طالبا. أكرم طالبا. أكرم سافع الأمر طالبا إلى نكرة. نكرة هذا كذلك تقدم معنا dans les دروس en langue arabe. Il n'y a pas de alif ou lam. Taliban, on n'a pas dit akrim al-talib. Taliban, ay un talib. Il est nakira, fi siyaq al-ithbat. Akrim. Al-ithbat, c'est une affirmation. Ce n'est pas du nafi. On n'a pas dit la tukrim. On a dit akrim taliban. Al-mutlaq, huna, c'est que yashma al-jami' al-afrad. Mathalan, nahnu, on est plusieurs l'an. Si je dis akrim taliban, ça englobe tout le monde. Lakin, tu choisis un. C'est ça l'itlaq. Tu en choisis un parmi tous les tollab. Mafhoum? Amma al-umum, si je te dis, mathalan, tu dois donner à tous les tollab, je te dis, akrim jami' al-tollab. Jami' c'est min al-fad al-umum. Jami' al-tollab, tu dois donner quelque chose à chacun des tollab. Si je te dis, akrim taliban, nakira fi siyaq al-ithbat, yufid huna al-itlaq, tu donne à un. Si tu as donné à un, alhamdulillah, tu as répondu à l'ordre. Vous avez vu la différence entre al-itlaq ou al-umum. C'est pour ça que hadha al-ilm il est mufid jiddan. Une fois que tu auras compris toutes ces qawaid, tu auras révisé, chaque chose elle sera à sa place, tu verras une fa'ida azim quand tu étudieras al-fiqh bi-idhnillahi azza wa jalla. Ça changera tout dans la compréhension. Qala al-thalith ma yufid al-khusus kal-a'lam. Hadha c'est wadih. C'est le contraire du umum al-khusus. Mathalan, je dis akrim muhammadan, on a donné un ordre bil-ikram, mathalan donner quelque chose muhammad, on a cité un shakhs, on a c'est al-ikram, c'est khas pour lui, tu donnes à muhammad, tu donnes pas à un autre. Donc tu as trois choses: akrim al-jami' ou jami' al-tullab, tu donnes à tout le monde, ça c'est un lafd am. Tu as akrim taliban, ça c'est le mutlaq. Tu as le choix entre tous les tolab, lakin tu en choisis un. Et tu as akrim muhammadan, tu donnes à muhammad. Ça c'est al-umum, ou al-mutlaq, ou al-khusus. Et ces trois chapitres, Cheikh Ibn Uthaymeen, walillahi alhamd, il les a cités dans cette risala, et tous les savants du usul, ils les citent dans leur livre. Ces trois chapitres très très importants. Al-umum, avec son contraire, al-khas, et al-mutlaq, avec son contraire, al-muqayyad. قال والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة. Vous vous rappelez أن الفعل c'est une معنى. مثلا ذهب. Tu as un sens. C'est partir. ذهب محمد. Tu as un sens. أي الذهب il est parti. Et الفعل la différence avec l'ism c'est qu'il est lié à un temps. Si je dis ذهب محمد c'est dans le passé. Si je dis يذهب محمد c'est l'an, c'est au présent. Et si je dis idhab ya Muhammad, ou saufa yadhab, ou sayadhab, hada c'est le futur. Qala, wa huwa imma madin ka fahima, ou mudari'a ka yafham, ou amr ka ifham. Wa bil fi'l, wa al fi'l bi aqsamihi yufid al itlaq, fala umuma lah. Na'am, huna afada an al fi'l yufid al itlaq, y'a pas de umum dans le fi'l. Et hada, on détaillera pas, ça sera dans d'autres moments. قال جيم اي troisième catégorie du lof, le premier الاسم تقدم, le deuxième الفعل le verbe, c'est lié à un temps, il m'a passé, il m'a présent, il m'a futur. Le troisième الحرف, قال ما دل على معنى في غيره, ما دل على معنى في غيره, اي ça va montrer une معنى لكن pas en lui-même, dans autre chose. La ma'na du harf, elle est liée à autre chose. Qala al-waw. Il va citer trois exemples. Al-waw, wal-fa, wal-lam, al-jarra. Ou kadalik, ala al-jarra. Il va citer quatre exemples. Et hadhi, c'est mujarrad des exemples. Pour te montrer un al-huruf, elles ont un sens, lakin, le sens, il est lié avec autre chose. Qala al-waw. C'est quoi al-waw fi al-nahu? Indaman. Ahsan, harf ou atf. قال وتأتي عاطفة. Ça nous montre que le waw, ça peut être un harf atf, et كذلك il peut avoir une autre معنى autre que l'atf. قال رحمه الله وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم. المتعاطفين c'est celui qui est cité avant le waw et après le waw. On peut donner un exemple: جاء محمد وزيد. قوله وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم, أي محمد جاء wa Zaydun ja'a. Les deux, ils sont concernés par le hukm, par le fi'l. Ja'a Muhammadun wa Zayd. Qala wa la taqtadi at-tartib wa la tunafih illa bi dalil. Awalan la taqtadi at-tartib, il y a pas d'ordre. En général, quand il y a le waw, il y a pas d'ordre. On dit ja'a Muhammad wa Zayd, ça veut pas dire que Muhammad il est venu avant Zayd. Même si Zayd il est cité après. Tu peux dire ja'a Muhammad wa Zayd et en fait Zayd il était rentré avant. Si on dit Ja'a Muhammad wa Zayd dans ce dars avec nous, peut-être que Zayd il est venu avant Muhammad, alors qu'on a dit Ja'a Muhammad avant dans la phrase. Ça veut rien dire dans l'ordre. Tu dis Ja'a Muhammad wa Zayd, peut-être que Zayd il est venu avant. Ou Muhammad avant, l'amr sel. Qala, wa la tunafih illa bidalil. Wa la tunafih illa bidalil. Sauf si il y a un dalil, fahada. فهذا c'est autre chose. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dans son charh il a cité un mithal tayyib pour montrer que احيانا le waw il y a un ordre, s'il y a un dalil. قوله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله. ان الصفا والمروه من شعائر الله. Si on aurait que ce verset et on se base sur la langue arabe et sur l'usul, on a harf le waw. On a Safa ou le Marwa. Safa ou le Marwa, c'est deux endroits. Ceux qui ont fait le Hajj ou le Hamdi connaissent. Safa ou le Marwa. Deux petites collines qui sont fait le Masjid al-Haram. Qawlu inna Safa ou le Marwa min sha'a'irillah. Avec ce verset, est-ce que tu comprends que tu dois commencer par Safa ou par le Marwa? Léanna Safa ou le Marwa, c'est min sha'a'irillah. Et Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a montré certaines choses à faire. En prenant pour exemple la femme de Ibrahim alayhi salat wa salam, de marcher entre As-Safa ou Al-Marwa, faire des allers-retours. On revient à notre masala, est-ce qu'on commence par Safa ou Al-Marwa? Huna on a le waw, inna As-Safa ou Al-Marwa min sha'a'irillah. Nahnu on sait que waw al-atifa la tufid at-tartib. As-Safa c'est cité avant Al-Marwa, ça ne veut pas dire que tu dois forcément commencer par As-Safa. C'est ça notre règle. Et ça vous montre l'importance de l'usul et de la langue arabe. Tu as des règles. Et ça nous montre que le verset en lui-même, il ne nous montre pas directement qu'il faut commencer par As-Safa. Tu as autre chose. Sauf si tu as un délire qui montre que l'ordre, il est pris en compte. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, falwaw huna atifa la taqtadi at-tartib. Donc dans le verset, tu as inna safa wal marwa, le waw, c'est un harf atf, la yufid at-tartib. Et tu peux pas déduire un ordre qu'avec le verset. Qala lakin qawl ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam hina aqbal ala as-safa wa dana min qara'a inna safa wal marwata min sha'a'irillah thumma qala sallallahu alayhi wa sallam abda bima bada Allahu bih fastafadna at-tartib min qawl an-nabi alayhi salatu wa salam. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait le Hajj, et il s'est rapproché de As-Safa, il a récité ce verset. Inna As-Safa wal Marwata min sha'a'irillah. Et il a commencé par As-Safa. Thumma qal, alayhi salatu salam, abda bima bada Allahu bi. Je commence par ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé. Et dans le verset, par As-Safa. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par As-Safa. Donc, dès qu'on fait le Hajj, nous, en tant que musulmans, on doit commencer par As-Safa. Limadha li anna Nabi alayhi salatu salam, il nous a montré que le verset, l'ordre, il était pris en compte. Abda bima bada Allahu bih. Hada qawluhu wa la tunafih illa bidalil. Donc la base fi waw al-atf, c'est qu'il n'y a pas d'ordre, sauf s'il y a un dalil, une qarina, qui nous montre que l'ordre, il est pris en compte. Qala thaniyan al-fa wa ta'ti atifatan fa tufid ishtirak al-muta'atifain fi al-hukm al-tartib wa al-ta'qib wa ta'ti sababiyya fa tufid al-ta'lil. Al-fa, kadalik, c'est un harf atf. La différence entre le fa et le waw, c'est que le fa, c'est pour montrer l'ordre. Tu dis Ja'a Muhammad fa Zaydun. Ja'a Muhammadun fa Zaydun. Ça nous montre. On n'a pas dit wa, on a dit fa, limadha li anna Muhammad il est venu avant Zayd. Muhammad il est venu ensuite Zayd. Tu peux traduire le fa on a par ensuite et le waw par e. Qala wa ta'ti 'atifatan fa tufid ishtirak al-muta'atifin fi al-hukm. Les deux ils sont venus, Ja'a Muhammad fa Zayd. فجاء محمد وجاء زيد لكن الفاء يفيد ماذا الترتيب والتعقيب قال وتأتي السببية فتفيد التعليل الفاء كذلك ça peut être فاء السببية pour montrer un سبب مثلا لا تفعل أو لا تقوم مثلا il y a un enfant assis avec nous ici et je lui dis لا تقوم فيغضب أبوك لا تقوم فيغضب أبوك فهنا السببية أي الغضب le fait que son père il se mette en colère السبب c'est quoi c'est s'il se lève لا تقوم ne te lève pas فيغضب أبوك Et si tu te lèves, ton père il pourra se mettre en colère. Et ça montre que le fait de se lever, si l'enfant il se lève, ça pourra pousser son père à se mettre en colère. Huna, c'est pas al-atifa. Là, c'est pas mimbab al-atla, c'est mimbab al-sabab. Ça montre un harf, il peut avoir plusieurs sens. Et ça, c'est muhim. C'est muhim pour comprendre notre din. Taqaddam ma'ana hada fil aqida. Allahu fis sama. Il a plusieurs معنى il a الظرفيه il a العلو si tu comprends Allah في السماء amintum man في السماء كما جاء في القران او في الحديث اين الله في السماء si tu comprends في هنا بمعنى الظرفيه c'est grave et Allah il est dans la créature il est dans les cieux alors que le في هنا c'est بمعنى على pourquoi parce que tu as des qara'in tu as des choses qui montrent هذا Allah سبحانه وتعالى dans beaucoup de versets il a montré qu'il est au-dessus de sa créature et dans ce verset قال في السماء Et en langue arabe, tu trouveras forcément, il n'y a pas de contradiction dans le Coran, que fi c'est bima'na ala. Hada taqaddam ma'ana, pour vous montrer l'importance de hada al-kalam. Qala, thalithan lam al-jarra, wa laha ma'anin minha al-ta'lil, wa al-tamlik, wa al-ibaha. Lam al-jarra, elle a plusieurs ma'ani. Minha al-ta'lil, wa hibbuhu, li'annahu mushtahid, ou l'ishtihadih. أحبه لاجتهاده. Je l'aime. J'aime ce frère. لماذا؟ لأنه il a, il fait beaucoup d'efforts في العلم. L'âme هنا c'est التعليل. التعليل ça ressemble au mot سبب. Et pourquoi je l'aime? لأنه il fait des efforts. فالأم هنا c'est l'âme التعليل. التملك. التملك ça vient de le milk. Vous connaissez le mot mulk. Et posséder une chose. فلم تأتي بالتمليك هذا أو هذه الدار هذه الدار لمحمد هنا سي با التعليل هنا سي التمليك أي ست ميزون سي لو بيان دو محمد هذه السيارة لعلي فاللام هنا سي بو مونتري كو سي لا بوسيسيون دو انتل الإباحة مثلا محمد أو لمحمد أن يقوم لمحمد أن يقوم اللام هنا سي الإباحة أي لا بيرميسيون اون دون لا بيرميسيون محمد دو سو ليفي لمحمد أن يقوم فهنا اللام سي ني التعليل ني التمليك سي الإباحة الإباحة سي كيلكو شوز دو بيرمي أي بو مونتري كو إلى لا بيرميسيون دو سو ليفي قال رابعا على الجارة ولها معان منها الوجوب على الجارة أي على كيران ما بعدها مجرور على plusieurs معاني منها الوجوب مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت لله على الناس على الناس هنا بمعنى أي سواجب على الناس de faire le حج donc على تأتي بمعنى الوجوب Ça, ça nous montre la richesse de la langue arabe. Ça, ça nous montre, pour comprendre le Coran ou le Sunna, il faut faire des efforts dans la langue arabe, il faut faire des efforts dans l'usul et il faut revenir à kalam ahl al-ilm. Pourquoi l'an, kathirun minan nas, ils ne comprennent plus le Coran ou le Sunna? On est arrivé à une époque, kama ta'lamoun, tu trouves, wa'ad al-nas, kathir minhum, c'est des anadiqas, des munafiqoun, ils prétendent que dans le Coran, il n'y a pas l'obligation du hijab, comme vous avez entendu, hadith ayya. Alors que c'est واضح. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن إلى آخر. Combien de versets? قول النبي صلى الله عليه وسلم قل أو قول الله عز وجل قل أي قل يا محمد dis-leur يا محمد à tes femmes, à tes filles. إلى آخر de rabattre sur elles leur grand voile. Tu as comme من الفاظ qui montrent الوجوب. Tu trouves des anadiqa الآن ils disent Pourquoi vous dites que le hijab c'est obligatoire dans le Coran on n'a pas. Limadha li'annahum sans parler de al-munafiqun wa al-zanadiqa, qui travaillent avec les kuffars pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Là, tu trouves même pas de Jouhel, ils n'arrivent pas à comprendre. Les gens pensent que tu dois trouver dans le Coran un verset qui montre clairement Al-Hijab, c'est wajib. Vu qu'ils ne trouvent pas ça, ils disent, mais pourquoi vous dites que c'est obligatoire? Jouhel, ils ne connaissent ni la langue arabe, ils ne connaissent ni l'ilm, ni le Coran, et les kuffars, ils se servent d'eux. Mais celui qui a un minimum fait l'ughat al-arabiya et dans l'usul, quand il entend hadal kalam, là, chacun il est surpris. Et en même temps, il n'est pas surpris. Il y a des munafiqoun, kathir minhum. Ou certains, c'est des juhal qui les suivent. C'est pour ça qu'on a beaucoup de khalt et hadal bab. Les gens, ils ne donnent pas assez de temps au ilm. Ils ont atteint ce niveau. Akhar, mada qal? Pourquoi vous dites que l'homosexualité c'est interdit? Dans le Coran, il n'y a pas l'homosexualité c'est interdit. Il veut inverser l'homosexualité c'est haram. On répète, Zanadiqa munafiqoun, ou Ba'djuhal ghtarru bihim. Tout le iqab que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité, par rapport à l'fahisha qu'ils ont fait, ils n'ont pas réussi à déduire que c'est haram. Pourquoi Allah il les a châtiés alors si ce n'est pas haram? Allah, comme ils essayent de jouer avec ce kitab al-azim, avec la sunnah du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce que beaucoup de se sont éloignés de ce ilm. C'est pour ça qu'on a dit qu'il n'y a qu'un ignorant qui peut suivre haoula. Ba'd al-awam qui ne connaissent pas, wa ghtarru bi haoula, et rubbama yusaddiqunahum. Amma wahad qui a un minimum de ilm, fa il sait que al-qawl c'est kufr wa zindaqa. Le fait de dire que l'iwad c'est pas interdit, ou l'hijab, c'est pas obligatoire. Le qawl c'est du kufr. Et kathir min haoula, la chakanahum c'est iyadan billah munafiqoun zanadiqa. Et ba'd al-muslimin hadahumullah, ightarru bi haoula. Wallah al-musta'an. قال أقسام الكلام ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه لقسمين خبر وإنشاء فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته والإنشاء لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب هذا التقسيم كذلك يبقى من غرام فائدة لكن العلماء الأصولي للست pour te montrer أن الكلام كلام العرب إما c'est des akhbar imma insha. La différence c'est quoi? C'est que le khabar yumkin an yusuf bis sidq ou le kadib. Lidhati. On verra pourquoi il a précisé lidhati. Ay, mazalan, je te dis, zahaba Muhammad. Muhammad il est parti. Wahad il peut me dire sadaqt. Et un autre il peut dire kadabt. C'est pas vrai. Et un autre peut me dire c'est vrai. Hada, c'est un khabar, c'est une information que je vous ai citée. Cette information, elle peut être juste, elle peut être fausse. Ça dépend du mutakallim, ça dépend de plein de choses. Hada, c'est le khabar. Si je dis, mathalan, qum, ya Suleyman. Qum, ya Suleyman. Est-ce que quelqu'un peut me dire, cette parole, elle est vraie ou elle est fausse? C'est mimbab al-insha, c'est un ordre. Et l'ordre, tu ne peux pas dire, il a juste ou il a menti, c'est un ordre. C'est pour ça que quand on dit matalan, on donne un ordre, personne dit Fulan il a menti. Abadan. C'est ça qui va citer Cheikh Ibn Uthaymeen. On a la différence entre le khabar ou l'insha. L'insha en général c'est l'ordre. L'ordre ou l'inverse, une interdiction. Il ne fait pas. قال فخرج بقول إن ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء لأنه لا يمكن فيه ذلك فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. Les choses que tu peux accepter ou rejeter, c'est al-akhbar. Je te dis, lève-toi. Wahad, il ne peut pas me dire tu as raison ou tu as menti là, c'est un ordre. L'ordre, imma tu vas le faire, imma tu ne vas pas le faire. L'ordre, ce qui va impliquer cet ordre, c'est un fi'l. Imma tu vas faire, imma tu ne vas pas faire. Amma al-khabar, là. Al-khabar, il n'y a pas de fi'l. Maintenant, je te dis, Zahaba Muhammad, est-ce que tu vas faire une chose en ta? Là, c'est une information. Imma, tu vas l'accepter, imma, tu vas la rejeter. Hada qawluhu, yumkin an yusuf bis sidq wal kadhib. Ça fait sortir al-insha. Wa kharaja bi qawlina li dhatihi al-khabar alladhi la yahtamil as-sidq aw la yahtamil al-kadhib bi'tibar al-mukhbar bih. Wa dhalika anna al-khabar min hayth al-mukhbar bihi thalathatu aqsam. Il a cité li dhatihi pour faire sortir une chose, bien sûr. Aïe, kalam Allah, subhanahu wa ta'ala, wa kalam al-rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas le droit de le rejeter. Fali'adha qal, ma yumkin an yusuf bis sidq ou al-kadhib bi dhatiha, la parole. Amma si c'est une parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou une parole de Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, فعياذا بالله celui qui pense que c'est du كذب du mensonge فلا شك انه c'est du كفر. قال الاول ما لا يمكن وصفه بالكذب. Et il va citer trois catégories pour montrer ce que tu peux accepter ou ne pas accepter. Amma, la première catégorie, tu ne peux pas la rejeter. Tu ne peux pas dire que c'est du mensonge. Bien sûr, le hadith, si il est sahih. Amma, le hadith al-mawdou, al-makdoub, on le rejette et on dit que c'est du kadib. C'est l'inverse. Une information, tu ne peux pas la qualifier de véridique. Et c'est une information qui est juste. La première, tu ne peux pas la qualifier de fausse. Hey, Al-Qur'an ou Sunnah. Toutes les informations, tous les textes du Qur'an et Sunnah, on n'a pas le droit de dire que c'est faux. Ben, celui qui prétend que c'est faux, Iyadam Billah, c'est un kafir. Le deuxième, c'est l'inverse. Tu ne peux pas dire que c'est juste, que c'est vrai. Qala ma la yumkin wasfuhu bis-sidq kal khabar 'an al-mustahil shar'an aw 'aqlan. Fal-awwal ka khabar mudda'i ar-risala ba'd an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cette information, elle soit liée à notre dîn. Ou elle soit liée à la raison, si c'est quelque chose de mustahil, d'impossible, on n'a pas le droit de rendre véridique. Mathalan, le premier exemple, Wahed, il prétend être un prophète après notre prophète Mohammed, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Wahed, il prétend hada, ayyadam billah. On dit c'est un kadhab. On n'a aucun doute, c'est un menteur. Limadha, li anna, on a un hukm shar'i, que le dernier prophète, c'est notre prophète Mohammed, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Qala, wa thani kal khabar an ijtima' an naqidhain, kal haraka wa sukun fi aynin wahida. C'est pas lié à la religion. Lakin, la raison, elle ne peut pas accepter ça. Wahed, il nous dit, une personne, elle bouge et elle ne bouge pas en même temps. C'est pas possible. Il bouge pas. Alors, ce mur, il nous dit, il est blanc et il est noir en même temps. Là, il est blanc, il est noir. Il est d'une autre couleur. Elle m'a dit qu'il est blanc clair et noir foncé en même temps. Ça, c'est moustahil. Ou dire, madalan, wahed, il est assis et il est debout en même temps. Il est assis, mais il est debout. Qala, al-thalith, troisième catégorie, ma yumkina yusuf bis-sidq wal-kadhib, imma al-sawa, ou ma rujhan ahadihima, ka ikhbar shakhs an qudum ghaib wa nahwi. Troisième catégorie, c'est une information, tu peux accepter ou tu peux rejeter. Ça dépend. Ça dépend qui c'est qui informe, est-ce qu'il est véridique, amla, ça dépend de beaucoup de choses. Qala, thaniyan wal-insha, ما لا يمكن يوصف بالصدق والكذب. نعم. Et هذا ça sera pas في الماضي. Pour retenir ان الخبر l'information, ça peut être une information dans le passé. واحد il informe que hier il s'est passé telle chose. Enfin ça dépend de celui qui nous informe. On pourra accepter son information, on pourra la rejeter si ment. اما الانشاء c'est pas dans le ماضي. مثلا je te dis قم lève-toi. Tu dois te lever maintenant, tu dois te lever après que je parle. C'est pour ça que l'insha, ça n'accepte pas le fait de dire c'est juste ou c'est faux. C'est le plus connu. L'insha, il y a plusieurs choses. Le plus connu, c'est l'amr wa nahi. Les ordres et les interdits. Fais, ne fais pas. Vous avez remarqué que l'insha, en général, c'est lié à des amal. Ou aboudullah. Aïe, adorer Allah. Donc, tu dois faire des efforts. Qala wa qad yakun al-kalam khabaran insha'an bi'atibarain. Ka siyag al-uqud al-lafziya mitl bi'tu wa qabiltu fa innaha bi'atibar. Dalalatiha ala ma fi nafs al-aqid khabar. Qala wa bi'atibar tarattub al-aqd alayha insha'. Wa hada Cheikh Ibn Uthaymeen, il a détaillé dans son sharh. Et on n'a pas besoin de détailler. Ma taqaddam yakfi. Tu comprends la différence entre le khabar et l'insha. Quand tu entendras, ou quand tu liras dans d'autres livres, ou tu étudieras dans d'autres livres, fil usul, tu sauras c'est quoi le khabar et l'insha. Qala, wa qad yati al-kalam bi surat al-khabar wal murad bihi al-insha wa bil-aks li fa'ida. Hada c'est tayyib, hada c'est muhim, ça arrive dans adilat al-Qur'an wa sunnah. Tu as un dalil, min al-Qur'an par exemple un verset. En apparence, c'est un khabar, c'est une information. Lakin, al-murad, ce qui est voulu par cette information, c'est un ordre. Ça, c'est muhim. C'est une information, tu n'auras pas un ordre. Fais. Ou ne fais pas. Là, tu auras une information. Et cette information, fil haqiqa, ce qui est voulu par l'information, c'est un ordre. Ta'ammal hadha al-mithal. Mithal al-awwal, قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات أي من النساء, la femme qui est divorcée, يتربصن أي elle peut pas se remarier, elle doit attendre ثلاثة قروء, trois cycles de règles. Vous avez remarqué que هنا c'est une information والمطلقات, أي Allah سبحانه وتعالى nous informe que المطلقات, la femme divorcée, elle doit attendre trois cycles de menstrues. Tu as une information. قال الشيخ ابن عثيمين فقوله يتربصن بصورة الخبر. يتربصن c'est un فعل, أي c'est un verbe qui nous informe que la femme elle doit attendre. قال الشيخ ابن عثيمين والمراد به الأمر. Et في الحقيقة هنا c'est un ordre. قال الشيخ ابن عثيمين وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. أي c'est comme si Allah سبحانه وتعالى هنا il avait ordonné directement la femme ou le mutallaqat, elle doit attendre obligatoirement trois cycles de règles. Pourquoi en langue arabe tu as cette formulation de phrase, une information, et fait haqiqa ce qui est voulu c'est un ordre. Comme قال الشيخ ابن عثيمين وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به. Et c'est comme si la femme l'avait déjà fait. Les femmes qui sont divorcées, elles font ça. C'est comme si elle l'avait déjà fait. Et celle qui n'est pas encore divorcée, si ça lui arrive, elle doit faire comme cette femme qui l'a déjà eue. Enfin, l'information, elle est encore plus forte. L'information qui est venue pour montrer le khabar, c'est encore plus fort. Et c'est comme si elle l'avait déjà fait. Si je te dis maintenant, qum ya Suleyman, il n'est pas, il s'est pas encore levé. Est-ce qu'il va obéir à l'ordre? Allahu a'lam. لكن هنا الله سبحانه وتعالى قال والمطلقات يتربصن اي c'est comme si elle l'avait déjà fait. Et c'est une chose d'acquise. Et chaque femme qui est divorcée automatiquement forcément elle doit attendre trois cycles de règles. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الى وضح اكثر فكأن هؤلاء المطلقات نفذن هذا الامر حتى صار يخبر به عنهن كصفه من صفاتهن. اي قوله والمطلقات يتربصن, c'est une information. Cheikh Ibn Uthaymeen قال, c'est comme si chaque femme divorcée, elle avait déjà appliqué cet ordre. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas cité sous forme d'ordre, sous forme d'information. Et pour montrer que la femme musulmane, vu qu'elle fera cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a cité sous forme d'information, pas sous forme d'ordre. وإلا في الحقيقة c'est un ordre. والمطلقات يتربصن, أي elles doivent forcément attendre. هذا. قال ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. Vous avez remarqué هنا il y a un ordre. اتبعوا سبيلنا, c'est un ordre. قال فقوله كذلك ولنحمل, قوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد به الخبر أي ونحن نحمل. نعم فالشاهد c'est le deuxième ولنحمل. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. الكفار qu'est-ce qu'ils disent aux croyants, suivez-nous dans notre égarement, délaissez l'islam. ولنحمل خطاياكم, et vous, les erreurs que vous avez faites, c'est nous, on va en prendre la responsabilité. ولنحمل c'est un ordre, لكن c'est بمعنى الخبر, c'est بمعنى الخبر. Aïe, walnahmil, c'est un ordre, lakin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une information. Aïe, c'est nous qu'allons prendre en charge vos fautes. Qala, walmurad biha al-khabar, aïe, walnahnu nahmil. Wa fa'idatu dhalik tanzil al-shay al-mukhbar an bimanzilat al-mufroud al-mulzam bihi. Aïe, ka'anna ha'ula ja'alu ma akhbaru an, walnahmil. Aïe, c'est comme si ce qu'ils avaient informé bimanzilat al-mufroud. C'est bimanzilat al-mufroud. Naam. Ay alladhi huwa lazim alayhim. Ay, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Suivez-nous et vos fautes, elles sont à notre charge. Et tout ça, c'est du kadib. Tout ça, c'est du kadib min ha'oula al-kafara. Wa illa yawm al-qiyamah, ils auront des comptes à rendre. Et iyadan billah, ceux qu'ils auront égarés, kadhalik, ils auront la responsabilité. Sallallahu alayhi wa sallam. Naktafi bihada, liana dahab al-waqt. الحقيقة والمجاز ça demande quelques explications inshallah le prochain درس. على كل حال le درس d'aujourd'hui c'est pour ça que j'ai précisé au départ ان هذا الكلام c'est pas lié directement au soul. Vous avez remarqué qu'il y a des taqsimat, il y a des fawaid fi an-nahw, Tu n'auras pas besoin directement fil usul. Ce que tu auras besoin directement fil usul, al-umum, al-mutlaq, al-akhir, al-khas, tout ça, bi-idnillah azawajal, on le verra en détail ensemble. C'est pour ça qu'on a lu assez rapidement. Et à partir du prochain dars, après le haqiqa ou le majaz, le bab du amr, l'ordre, thumma ba'dahu, al-nahi, thumma, après le nahi, al-am, après l'am, الخاص هذه الابواب on donnera des exemples avec le fiqh on essaiera d'appliquer tout ça c'est lié directement au sourd et tu en auras besoin دائمًا, toujours dans le fiqh amma tous ces abouab qui sont cités au départ c'est min bab al fa'ida sauf bien sûr ma yata'allaq bi al ahkam al taklifiyya al wajib etc ça c'est muhim.